Chapitre 3e. Madeleine à Paris. Le résultat du voyage fut surprenant, inattendu. Madeleine ne portait au Ravenel que des robes achetées à Mantes, robes simples et, il faut le dire, peu à la mode. Elle était charmante, ainsi c'est vrai, parce qu'elle était si jolie, si gracieuse, que tout costume lui seyait. Mais un costume plus nouveau de forme, de façon, mieux ajusté, devait la rendre plus belle encore. Le chapeau surtout, demandait un remplaçant. Elle en portait un convenable, certes, mais quelque peu démodé. Cependant, il la rendait jolie. Car il est à remarquer que les jolies femmes blondes, surtout, qui restent toujours plus près de l'enfant, et les enfants eux-mêmes, sont d'autant plus jolies que leur chapeau est plus excentrique, disproportionné, bizarre. C'est un effet, sans doute, de contraste. Mais ce chapeau que portait Madeleine pouvait convenir au Ravenel. Il n'était plus présentable à Paris, surtout pour faire les courses que la jeune femme voulait entreprendre. Donc, avant toute chose, la jeune femme voulut se faire conduire dans un grand magasin. Cette demande fut une joie nouvelle pour Maître Thirion. Plus que dans toutes les manifestations scientifiques qui enchantaient le bon docteur Lebel, il y voyait une preuve absolue de retour à la raison. Une folle se serait bien peu souciée, la malheureuse, de son costume et de son chapeau. Mais Madeleine était redevenue vraiment femme, puisque, comme toutes les femmes, en venant à Paris, dès la gare, elle demandait à aller dans un grand magasin. Il lui conduisit donc joyeusement. Madeleine acheta pour elle un costume de ville et une toilette habillée. Puis elle fit choix également d'un beau costume pour Ernestine, la femme de Charles. Enfin, elle voulut faire habiller Fernand. Charles, Maître Thirion, le docteur Lebel, poussés par la même crainte, ne voulaient pas que Madeleine s'engageât sur ce terrain brûlant. Ils avaient peur du coup qui devait se produire. Madeleine, en effet, regardait encore Fernand comme une fille, le traitait comme si le garçonnet eût été Paulette. Mais les vendeurs ne pouvaient donner dans cette erreur. Ils verraient en Fernand un garçon, et ne connaissant plus le secret doux. Et ne connaissant pas le secret douloureux, agiraient fatalement avec lui comme avec tout autre garçon à habiller. Ils allaient parler de pantalon au lieu de robe. Ceux qui accompagnaient Madeleine s'attendaient à une protestation de la part de la malade, à une crise. Que pouvait-on prévoir? Il tremblait car, avant qu'il pût faire comprendre au vendeur qu'il devait dire comme la démente, Madeleine subirait un choc terrible. Mais, contre leur attente, Madeleine ne manifesta aucun étonnement quand les vendeurs lui parlèrent de garçonnet et traitèrent Fernand non comme une petite fille, comme Paulette, mais comme un garçon. Madeleine laissa faire, donna son avis sur les costumes, les pantalons, les vestons, les chapeaux. Le tout avec calme, avec une tranquillité parfaite. L'avocat et Charles se regardaient absolument stupéfaits. Le docteur Lebel, lui, tranquillement souriait tout heureux. Quand les emplettes de toilette indispensables furent achevées, que Madeleine se déclara présentable et ne pouvant plus faire retourner les gens sur son passage, on alla chez un marchand d'équipements militaires. Madeleine choisit une paire d'épaulettes en or fin, la plus belle du magasin, demanda-t-elle, ce qui se faisait de mieux. « C'est pour le plus brave des officiers, dit-elle, pour le meilleur des hommes. » Le marchand montra ce qu'il avait de plus beau. « Faut-il expédier, madame ? » demanda-t-il. « Nous nous chargerions de l'envoi, nous avons l'habitude. »« Volontiers, mais attendez, je veux qu'aux épaulettes on joigne ceci. » Elle tendit au marchand un petit paquet dont, depuis les Ravenel, elle n'avait pas voulu se séparer et dont personne ne connaissait la nature. « Vous mettrez ceci avec les épaulettes, bien soigneusement. » « Rien de plus facile, madame. » Charles donna l'adresse de son frère. Quand on fut hors du magasin, Madeleine dit à ses amis « Savez-vous ce que contient mon petit paquet ?»« Non, des fleurs. »« Des fleurs ? » fit-on surpris. « Oui, des fleurs des Ravenel, que j'ai cueillies dans le jardin, dans les bois, où souvent nous allions nous promener. Jacques les reconnaîtra bien. Ils lui porteront avec notre souvenir à tous un peu de la maison. » Le docteur Lebel et Maître Thirion se dirent « Non, non, elle n'est plus folle. Elle a toute sa raison. » Ou bien son cœur parle si fort qu'il fait agir raisonnablement son âme vagabonde. Au théâtre, le soir, la conduisit Maître Thirion, elle écouta la pièce, la suivit durant tous les actes, et put discuter certains points avec le jeune avocat, avec le docteur. Tous deux maintenant agissaient avec elle, parlaient avec elle comme si jamais elle n'avait eu l'esprit frappé, comme ils eussent fait avec toute femme charmante, instruite, intelligente. Les docteurs, qu'à la voir ensuite le docteur Lebel, après l'avoir entendu, lui dirent « Ce que vous nous apprenez est très heureux. nous en sommes enchantés. Mais cela ne nous surprend guère. Ce qui a causé la folie passagère de cette jeune femme devait ramener sa raison. Cette malade fut démente à la suite d'un choc au cœur. C'est la cicatrisation du cœur qui devait raffermir le cerveau ébranlé. La démente devait cesser avec le malheur qui en a été la cause. Seulement, prenez garde, il faut de grandes précautions, des soins incessants. Cette raison qui revient est comme une fleur précieuse, qu'un rien, un souffle, peut ternir, qu'un choc peut à nouveau détruire, et cette fois pour toujours. Au Ravenel, où l'on attendait le retour des voyageurs avec anxiété, on fut enchanté du résultat. Quelques jours plus tard, Madeleine, tout à coup, appela le garçonnet, non Paulette, ainsi qu'autrefois, mais Fernand. Et comme les Dalmais, inquiets, demandaient, redoutant toujours le fatal contre-coup, Madeleine, lentement, douloureusement, leur dit « Fernand, c'est Fernand. Ce n'est pas Paulette. J'avais une fille, Paulette, mais Paulette n'est plus. Elle fait comme son père, comme Armand. Elle dort. » Alors elle attira l'enfant tout angoissé. « Mais je t'aime quand même, mon chéri. Je t'aime comme quand je t'appelais Paulette. » Plus tard, se trouvant avec le père et le grand-père, elle leur dit « Jusqu'à présent, vous avez gardé Fernand à la ferme à cause de moi, pour ne pas me priver de ma Paulette. Mais puisqu'il n'est plus Paulette, il faut faire de lui un petit homme. Il veut marcher sur les traces de son oncle Jacques. Eh bien, vous devez le mettre au lycée. Il préparera Saint-Cyr. Et nous aurons encore plus de gloire à la maison. » Il était bien dans les projets des parents de mettre Fernand au lycée. Mais il n'osait l'arracher à Madeleine, la priver de la consolante illusion que lui donnait le garçonnet. À présent, puisque c'était elle-même qui engageait les parents à se séparer de l'enfant pour son instruction, ils n'hésitèrent pas à le faire. D'ailleurs, il était temps de s'y prendre. Fernand allait maintenant sur ses 14 ans. Il avait fréquenté l'école du village. Le curé lui avait donné quelques notions de latin, mais ce n'était pas suffisant. Fernand avait au Ravenel pris des forces, des muscles, il fallait à présent meubler un peu sa tête afin qu'il pût passer les concours. Le jeune avocat, qui se charge d'être son correspondant au lycée, l'emmena. Les Ravenel furent tristes pendant les premiers jours. L'enfant manquait. La mère pleurait, et c'était Madeleine qui, doucement, avec sollicitude, la consolait, l'encourageait. « Cette absence est pour le bien de l'enfant, » lui disait-elle. « Il vous reviendra un peu plus homme, plus grand, plus beau. Tandis que ma fille ne reviendra plus. Fernand vit, Paulette dort. » Mais on ne laissait pas les Ravenel sans nouvelles. Fernand y venait à toutes les fêtes. Maître Thirion arrivait à peu près tous les lundis, disait Léo aux fêtes du garçonnet, qui, très intelligent, se distinguait de toute façon parmi ses camarades. Comme Maître Thirion se trouvait un jour de semaine au Ravenel, Madeleine lui dit « Il faut que vous soyez encore mon cicérone à Paris. Mais avec le plus grand plaisir, madame. Je dois faire un voyage d'affaires. Et j'aurai besoin non seulement de votre bras, mais de votre expérience, de votre savoir d'homme de loi. Je suis tout à votre disposition. Usez de moi comme il vous plaira, en tant qu'ami seulement ou comme avocat. » Voici ce dont il s'agit. Je vis au Ravenel sans trop savoir comment. Je demande de l'argent, on m'en donne. Mais je ne sais si cet argent m'appartient ou si c'est celui de ces braves gens. Je voudrais établir ma situation. Rien de plus facile. Je vous dirai, pour vous tranquilliser, que mon cousin consulté, peu après votre venue au Ravenel, a pleinement approuvé la conduite des Dalmais. Ils ont continué à faire ce que faisait le père Porfilet. Votre notaire leur envoie chaque trimestre vos revenus. Il vous les verse au fur et à mesure de vos besoins. C'est Charles qui s'occupe de cette petite comptabilité amicale, je l'ai vu, c'est parfait. Vous voilà bien à votre aise chez eux, vous ne leur coûtez rien, mais ils n'acceptent rien de vous. Précisément, je voudrais arranger un peu cela. J'ai, je crois, du chef de mon père, une assez grosse fortune, et j'ai un héritage de la marraine de ma fille, qui appartient à Paulette. C'est un point qu'il faut éclaircir, préciser, arrêter. Voulez-vous m'accompagner chez mon notaire, Maître Grémois ? Quand il vous plaira. Lorsque le jeune avocat dit cela à son cousin, au docteur Lebel, ni l'un ni l'autre ne doutèrent qu'à présent la raison fût tout à fait revenue à Madeleine. Le notaire, Maître Grémois, donna à la jeune femme et à Maître Thirion, qui devenait son conseil, son représentant, tous les renseignements désirables. En effet, le père de Madeleine, quoique irrité contre sa fille, ne l'avait pas tout à fait déshérité, la loi ne le lui permettant pas. Madeleine possédait en valeur, que Maître Grémois avait déposé dans une banque, 15 à 1600 000 francs. Le notaire n'envoya à Madeleine, comme il avait été convenu à la mort de son père, que la moitié des revenus. Il plaçait le reste qui venait augmenter le capital. Il y avait plus de 8 ans que M. Marnier était mort. Le capital laissé par lui s'était augmenté de près de moitié, ce qui donnait à Madeleine un peu plus de 2 millions. Madeleine et Maître Thérion jugèrent que tout allait bien, ainsi de ce côté. Maître Grémoine n'avait qu'à suivre cette voie. Quant à l'héritage de Mme Berton, dit ensuite Maître Grémoine interrogé, les indications sont précises. Nous n'avons qu'à nous conformer absolument aux volontés de la défunte. Je suis son exécuteur testamentaire. Je dois donc à double titre m'incliner. L'héritage de Mme Berton est de 3 millions, plus les intérêts accumulés depuis sa mort. Cette fortune appartient à Mlle Paulette Marnier. Mme Madeleine Marnier n'en serait que l'usufruitière. De même que le comte de Sérion devenant, selon la loi française, le mari de Mme Madeleine et légitimant l'enfant, serait son père légal, par là même son tuteur naturel et l'administrateur de ses biens. Mais pour cela, c'est essentiel, indispensable, il faut me produire Paulette. Paulette, dit Madeleine, Paulette n'est plus. Comme Armand, elle dort. Maître Grémois s'inclina, puis l'ajouta. Dans ce cas, je dois attendre jusqu'à l'époque de la majorité de Paulette Marnier. J'ai la date exacte dans le dossier. Quand Paulette aura 21 ans et 1 jour, si on ne la produit pas devant moi, je dois distribuer l'héritage de Mme Berton à diverses œuvres de bienfaisance à l'assistance publique. C'était ce que Madeleine et Maître Thérion voulaient savoir. Ils quittèrent donc les dunes de Maître Grémois après avoir pris des dispositions pour la continuation du versement des revenus dans les mêmes conditions et après avoir approuvé les reçus du père Porfilet et du père Dalmet. Madeleine et le jeune avocat n'étaient pas partis depuis 20 minutes que le petit clerc remit à son patron une carte. Cette carte portait « Comte Armand de Saint-Rion ».